Attends, je sais pas quoi faire. Celui-là il va top. Karma, c'est Karma qui lui sort des trucs à la... ça enregistre tout ici. On le retrouve, moi je le retrouve, hein.